Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouveau numéro du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot de Vasselonne dans le 67, Jordan Hufschmidt. Salut Sofiane, salut tout le monde. Salut Jordan, et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, toujours un plaisir de te voir. Mais le plaisir est partagé. Et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter ? On va déjà commencer par là, oui, on va commencer par une, on va dire une. Hier, tu as participé à la soirée Mort de Rire avec Boudère à Vasselonne. Oui. Comme chaque 31 octobre. C'est ça. Et ce qui était drôle, c'était. On organise avec l'association Mort de Rire et on reçoit un mail la veille. Donc c'était complet la soirée. Ouais. On reçoit un mail d'une spectatrice. Bonjour, j'ai réservé 4 places pour la soirée de demain soir. Mais nous sommes une famille de 5. Est-ce qu'on peut rajouter un billet, s'il vous plaît? Oui, bien évidemment, madame, évidemment. Écoutez, on va virer Boudère. Voilà. Et puis, on va vous mettre à sa place. Ça vous va? Donc, ça, c'était assez drôle. Ça, c'est badass. Ça nous est jamais arrivé. Ça. Ah bon? J'aurais pensé que dans un festival comme ça, tu sais, il y avait plus de couac un peu au niveau des spectateurs, tout ça, des demandes un peu bizarres. Alors la deuxième anecdote, c'est oui, alors donc on a invité Redouane Arjan qui est venu à l'édition l'année dernière. Et en fait, donc chaque artiste avant de se présenter, il a toujours une fiche technique, une fiche de route. Et en fait, Redouane Arjan, il avait une demande particulière, c'était il voulait une barre chocolatée de la marque Quest. Alors je suis allé chez Decathlon, je suis allé chez tous les magasins comme ça. Aucune. Ah t'as pas trouvé? Alors aucun proposait la marque Quest. Et en fait. C'est Amazon qui proposait ça. Livré des États-Unis. En colis recommandé. Franchement, Redouane Arjan, si jamais tu nous écoutes, déjà, t'es le bienvenu dans le podcast avec grand plaisir. Et sans déconner, t'es le seul mec qui fait ses courses sur Amazon. C'est vraiment, je te jure, j'ai du respect pour toi. Mais vu ton personnage sur scène, j'ai aucun mal à croire que tu manges des trucs d'Amazon. Il n'y a aucun problème. Bon, j'espère juste que t'enlèves l'emballage. Et les 5 barres, c'était 28 euros quand même. 28 balles? Elles sont faites en quoi ces barres? Elles sont faites en or massif? Allez, je sais pas à quoi c'était. Moi, j'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Hein. Je vais laisser. Mais Quest, ouais, allez-y, la marque Quest, c'est des barres chocolatées. Donc, c'est une marque, c'est des barres chocolatées genre à la granit et tout quoi. Ouais, c'est ça, énergisante. Mais vous pouvez regarder sur Amazon. Hein. Marque Quest, Quest. Eh ben dis donc, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon ben écoute, c'est le seul mec qui t'aura peut-être coûté plus cher en barre chocolatée qu'en transport. Ouais, c'est ça. Exactement. Ok. Donc ben écoute, merci beaucoup Jordan pour ces anecdotes. Et oui, comme quoi organiser un spectacle, parce que tu es humoriste également, et organiser un spectacle, c'est pas facile, hein, ça donne des situations cocasses. Donc on embrasse bien sûr Amazon et la marque Quest. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc chaque année le 31 octobre hein, évidemment. Et sur les réseaux sociaux peut-être? Ça, ouais. Ouais, on a une page Facebook, Association Mort de Rire. Et puis Jordan Hufschmidt, hein, vous me trouverez. D'accord, donc pour l'orthographe, lisez le titre du podcast parce que, parce que sinon c'est pas évident. On embrasse tous les Alsaciens qui nous écoutent. Pour ma part les amis, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Bis à tous, même à toi là-bas.